l'abbé Muller, quand il était là. Il m'a dit arrête tes conneries. Il m'a dit arrête tes conneries. Tu sais pas ce que j'avais fait? Je n'aurais même pas le dire. J'avais. Il m'a dit, mais parce que j'allais souvent à la messe, et puis bon, un peu. Puis j'ai habité Europe vers là, en menuiserie chez Adler. Alors il me dit, je crois qu'il y a une cloche qui est foutue, qu'il me dit. Il avait déjà fait la guerre de 14, lui, hein, c'est déjà un vieux. Et puis alors il disait, ben, j'ai dit, mais il faut les mettre en haut, on va les faire sonner. Et en effet, on n'entendait que trois et il y en avait quatre. Mais moi je savais ce qui s'était passé. Avec une bande de copains, on avait pris un vieux sac de pommes de terre et on avait le battant, on l'avait mis bien calfeutré et ça tapait. Mais c'était inimaginable. Hein. Il tout est foutu, il me dit. Mais mes cloches, elles ne sonnent plus. Et alors après, quand on y a dit, mais, c'est un vieux curé, comme on n'en voit plus. Il m'a dit, c'était... Ah, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Puis on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps encore, parce qu'il est parti à Favreau. Ben, il est mort maintenant. Et il m'a dit, tu te rappelles ce que vous aviez fait? Vous m'aviez mis le bâton de la cloche dans un sac de pommes de terre.